les yeux vers ces statues colorées. Tao est curieux de ce temple enchanté. Un serpent blanc zigzague vers lui. Il vient lentement, son nom est Sagani. Mon petit gars, assieds-toi là. Faisons une puja, médite avec moi. Si tu cherches ta voie, ton karma, dans tes choix, Sagani t'aidera. Le serpent frère prend de l'encens, récite une prière en se balançant. D'un point sur le front, il marque ta haut, louant les dieux avec des mots. Tao emprunte doucement le chemin du retour. Le voilà embarqué dans un grand camion où s'entassent pêle-mêle bagages, poules, chèvres au beau milieu des passagers. Le véhicule s'arrête, arrivé à sa destination, la frontière entre l'Europe et l'Asie. Tout le monde descend ! Tao commence à marcher sur un petit chemin qui longe une rivière. Il aperçoit une roulotte tirée par un étrange zèbre qui passe non loin de là. Il interpelle l'animal. Eh, bonjour, monsieur zèbre. Auriez-vous une place dans votre belle roulotte pour un petit garçon fatigué ? Ravi d'avoir un compagnon de route avec qui échanger ses histoires, le zèbre lui fait un large sourire édenté.